Jean-Jacques Rousseau est souvent décrit comme une figure emblématique du renoncement en matière gastronomique. Puisque pour lui, la nature est une norme plus fiable et tout simplement meilleure que la culture, alors l'homme ne devrait se nourrir que de fruits, de lait et d'eau fraîche. Les choses sont évidemment plus subtiles et plus intéressantes chez Rousseau, dont la philosophie ne se réduit pas à un rejet de la civilisation. Alors quelle place tient la nourriture dans la pensée de Rousseau? Comment le goût constitue-t-il un élément décisif de sa réflexion morale et politique? Et comment l'appétit peut-il servir d'instrument pour retrouver de la mesure, de la juste mesure nécessaire pour se nourrir et pour jouir? On commence avec une distinction essentielle, formulée par Claude Lévi-Strauss. La philosophie occidentale raisonne sur des oppositions abstraites, telles que celles de l'être et du néant, de la liberté et du déterminisme, du fini et de l'infini, que sais-je. La pensée mythique raisonne, elle, sur des catégories concrètes et sur des catégories qui sont directement tirées de l'expérience. Or, pour l'homme, et plus particulièrement dans les mythes dont je m'occupe, il n'y a pas de catégorie plus fondamentale que celle de cru et de cuit, puisque c'est avec la cuisson des aliments, racontent les mythes, que s'opère le passage de la nature à la culture, de ce que, même pour des sauvages, est conçu comme étant la sauvagerie, à ce qu'ils entendent par civilisation. Car il faut manger, manger, manger des radis, avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger des radis, des tas de laitues et des tonnes de pissenlits. Bonjour Olivier Assouli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à distance. Vous êtes enseignant à l'Institut français de la mode à Paris, ainsi qu'à l'École des beaux-arts d'Angers. Et vous avez écrit de nombreux livres sur la nourriture, les nourritures, le goût. C'est un sujet qui vous intéresse depuis plus de 20 ans, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. J'ai mon premier ouvrage était déjà sur des questions qui étaient liées aux interdits alimentaires, mais cette fois sous un angle un peu plus anthropologique, puisqu'il s'agissait des religions, et principalement des religions monothéistes. Et vous sauriez dire pourquoi cette question vous intéresse tant, d'un point de vue philosophique? Écoutez, j'ai pas de... Ça doit renvoyer à des arcanes auxquels j'ai pas totalement accès. Et je peux pas vous répondre très honnêtement. Si je devais vous répondre, je ferais une réponse un peu de circonstance. Eh ben, je vous remercie pour votre honnêteté. Et puis ça tombe bien, c'est pas vous le sujet, c'est Rousseau, hein, de toute façon. Donc je vous propose qu'on l'aborde dès à présent. On a entendu la distinction entre le cru et le cuit que faisait Lévi-Strauss. C'est une bonne manière d'introduire à la réflexion de Rousseau sur le goût et sur la nourriture, parce que finalement, l'opposition cru et cuit laisse penser qu'il y a deux manières de voir le monde, au fond, de manière d'appréhender la question de la nourriture. Or, comme je disais en début d'émission, les choses sont un peu plus subtiles que ça. Olivier Assouli. Oui, effectivement, elles sont beaucoup plus subtiles si on se réfère à Rousseau, dans la mesure où l'opposition entre le cru et le cuit, effectivement, telle que la formule, en tout cas telle que la pose Lévi-Strauss, renvoie au passage de la nature à la culture. Autrement dit, principalement dans la cuisine à l'institution du feu, de la cuisson, de la transformation. Mais d'une certaine manière, chez Rousseau, cette opposition n'est pas totalement pertinente, parce que assez rapidement, il va lui substituer, je dirais, une autre opposition, celle de nourriture simple à des nourritures complexes, qui ne recoupe pas exactement l'opposition nature et culture, et loin de là, en réalité. Et on voit cette opposition se mettre en place avant Rousseau, en réalité, déjà chez Platon, dans la République de Platon. C'est une opposition bien relativement connue au livre 3, entre le cytos, qui désigne des nourritures solides, consistantes, nourrissantes, et qui correspondent au pain, essentiellement, et puis l'opson, qui correspond, qu'on pourrait traduire par le goût, avec ce que ça implique de supplémentarité par rapport aux besoins, et cette fois qui va désigner des condiments, des assaisonnements, des éléments relativement superflus dans la cuisine. Et au fond, je crois que Rousseau s'est emparé, comme d'autres après lui et avant lui, de cette opposition entre des nourritures simples et des nourritures complexes, sachant que il associe en règle générale les nourritures complexes, comme le faisait aussi Platon, à une forme de luxe, d'excès, de débauche, qui normalement n'aurait pas lieu d'être. Dans quelle mesure est-ce que cette réflexion sur la nourriture, qui chez Rousseau est aussi une réflexion sur le goût, tient une place importante dans sa philosophie ? Est-ce que c'est annexe ou est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée dans sa philosophie ? Alors, mon hypothèse, celle que j'ai tenté de défendre, est que on doit tenter impérativement d'accorder une place au goût et aux nourritures autrement que sous l'angle purement biographique. Alors, ouais. avec une nuance, ceci dit, c'est que l'angle biographique, effectivement, risque de servir comme un certain nombre d'ouvrages ou de textes plutôt relativement anecdotiques sur Rousseau à présenter la vie de Rousseau, ses habitudes alimentaires, mais d'autres habitudes également qui sont généralement liées au quotidien et qui peuvent souvent servir à jeter, on va dire, le discrédit sur l'œuvre de Rousseau à travers, au fond, les comportements de Rousseau en tant que tel. Voilà. Ça, c'est l'aspect le plus contestable de la référence biographique, mais on peut aussi prendre le biographique de manière beaucoup plus consistante, en se disant que ça renvoie effectivement à la vie, mais essentiellement à l'écriture de la vie. Autrement dit, à la façon dont la pensée de Rousseau, qui accorde une place évidemment extrêmement importante à soi, au sujet, donc à travers notamment les textes comme les Confessions, va être le terrain d'une reformulation du rapport à la nourriture, entre autres. Autrement dit, le travail de Rousseau va être ce travail de réélaboration en permanence à travers l'écriture, à travers son œuvre, du rapport à la nourriture. Ce qui évidemment met, non pas de côté, mais en tout cas enferme dans une parenthèse, une bonne parenthèse philosophique, ce qui pourrait avoir l'air d'être purement anecdotique. Et il me semble que si on ne dépasse pas le biographique, au sens trivial, le premier sens que j'ai essayé de définir à l'instant, on laisse à nouveau la question des nourritures, au fond, comme elle l'a été souvent, à la marge de la philosophie. Et pour exemple, il suffit de songer que les nombreux et utiles commentaires sur Rousseau et son œuvre, qui portent effectivement, en règle générale, plutôt sur des questions liées aux politiques, à la souveraineté, au pacte social, au contrat, à la citoyenneté et à d'autres thématiques liées aux politiques, ne font que rarement mention, au fond, du Rousseau en tant qu'homme. Alors même que, dès qu'il est question du rapport de Rousseau, ne serait-ce qu'à ses enfants ou à la nourriture, effectivement, on semble cette fois sortir de des catégories à proprement parler philosophiques conceptuelles pour verser d'une certaine manière dans un champ anecdotique. Or, il me semble, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, que la pensée de Rousseau est une pensée qui met en œuvre, en tout cas qui propose une élaboration beaucoup plus systématique et conceptuelle de la nourriture que cela ne laisse paraître, si vous voulez. Ce qui est difficile à détecter, à décrypter, dans la mesure où Rousseau, comme d'autres philosophes qui l'ont précédé et qui lui succéderont, ne consacre pas, strictement parlé, un traité à la question alimentaire ou à la question du goût au sens alimentaire. Donc ça suppose évidemment un travail de déchiffrage de cette question. C'est-à-dire que le travail consiste dans un premier temps à se saisir des pistes d'entrée qui donnent lieu à la possibilité d'élaborer une question alimentaire, strictement parlé, chez Rousseau. Eh ben, on va essayer on va s'engouffrer sur l'une de ces pistes. Vous avez évoqué les réticences, enfin l'ambivalence que vous aviez à l'égard des éléments biographiques pour évoquer la philosophie de Rousseau. Lui-même était très ambivalent, puisque d'un côté il propose des réflexions qui sont indépendantes de son expérience, et de l'autre il écrit les Confessions, il écrit Rousseau juge de Jean-Jacques, et il se met en scène lui-même. Donc voici un extrait des Confessions, au livre 2, dans lequel Rousseau évoque son appétit, l'importance de l'appétit et le repas rustique qu'il choisit de déguster. première chose que je fis fut de satisfaire ma curiosité en parcourant toute la ville, quand ce n'eût été que pour faire un acte de ma liberté. À force d'aller et venir, je me lassais. J'avais faim, il faisait chaud, j'entrais chez une marchande de laitage. On me donna de la giunca, du lait caillé, et avec deux grises de cet excellent pain de Piémont, que j'aime plus qu'aucun autre, je fis pour mes 5 ou 6 sous un des bons dîners que j'ai fait de mes jours. Quoique je vécusse avec beaucoup d'économie, ma bourse insensiblement s'épuisait. Cette économie, au reste, était moins l'effet de la prudence que d'une simplicité de goût que même aujourd'hui l'usage des grandes tables n'a point altéré. Je ne connaissais pas, et je ne connais pas encore, de meilleure chair que celle d'un repas rustique, avec du laitage, des œufs, des herbes, du fromage, du pain bis et du vin passable, on est toujours sûr de me bien régaler. Mon bon appétit fera le reste quand un maître d'hôtel et des laquais autour de moi ne me rassasieront pas de leur importun aspect. Je faisais alors de beaucoup meilleurs repas avec 6 ou 7 sous de dépenses que je ne les ai fait depuis à 6 ou 7 francs. J'étais donc sobre, faute d'être tenté de ne pas l'être. Encore ai-je tort d'appeler tout cela sobriété, car j'y mettais toute la sensualité possible. Mes poires, ma giunca, mon fromage, mes grisses et quelques verres d'un gros vin de Montferrat à couper par tranches me rendaient le plus heureux des gourmands. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et on parle de nourriture cette semaine. Je mange, donc je suis aujourd'hui dernier temps avec Rousseau, en compagnie du philosophe Olivier Assouli. Vous avez entendu un extrait des Confessions lu par Denis Podalydès et vous aurez remarqué, alors il y a plusieurs choses à commenter. Déjà, l'insistance avec laquelle Rousseau veut se présenter comme un homme de goût simple, la simplicité de goût, le repas rustique qu'il adore. Mais surtout, on est parti avec la distinction entre le cru et le cuit. On va y revenir quand on parlera de la viande. Ici, l'opposition, elle se fait entre sobriété et sensualité. Et contre toute attente, peut-être, la sensualité tient une très grande place dans la pensée de Rousseau, Olivier Assouli. Oui, absolument. C'est toute l'ambiguïté ou l'ambivalence de la pensée de Rousseau sur ces questions. C'est que d'un côté, il adresse ses griefs à la grande cuisine, la cuisine gastronomique, qui est l'objet de dénonciations liées précisément au fait que cette cuisine est, d'un point de vue physiologique problématique parce qu'elle est composée d'assaisonnements qui sont peu profitables à la santé, mais pour une autre raison qui est que la grande table dont il est question dans cet extrait désigne évidemment aussi tout le tissu social sur lequel repose la grande cuisine, qui est un tissu social composé essentiellement source d'inégalités, d'injustice, d'exploitation. Il y a un passage dans l'Émile où effectivement Émile apprend par le précepteur qu'il est dans une table qui est l'objet de mille mains qui ont été nécessaires à l'élaboration de ce repas. Voilà. Donc il y a cet aspect-là qui est au fond relativement classique, puisque dans l'encyclopédie, dans les articles de Jaucourt sur la gastronomie, on trouve effectivement aussi ce type de dénonciation de du faste de la grande cuisine qui recouple en réalité une critique, on va dire, du luxe, du luxe d'ostentation chez Rousseau. Alors ça, c'est le premier point. Mais d'un autre côté, au lieu effectivement de céder simplement à une critique sans appel à la fois, je dirais, de la gastronomie et de la cuisine, puisque souvent la critique de la gastronomie emporte, on va dire, dans son sillage la cuisine, Rousseau, au contraire, semble réserver une place absolument essentielle à la sensualité. Autrement dit, la question de la jouissance n'est pas à la marge de la cuisine, elle est essentielle, à une condition toutefois, qui est parfaitement indiquée dans ce passage, c'est que celui qui mange, alors en l'occurrence il s'agit de Rousseau, doit être capable d'accéder par ses propres efforts, par ses propres moyens, à cette jouissance, qui implique qu'il prenne d'une certaine manière possession de ses besoins. Autrement dit, il doit apprendre à connaître ce dont il a besoin. Et toute la critique de la grande table, elle repose assez paradoxalement au premier regard sur l'incapacité des riches, des nantis, à savoir jouir en réalité. Il y a un passage, il me semble, dans l'Émile où Rousseau s'adresse aux plus riches en leur disant « mais jouissez, c'est-à-dire apprenez à jouir ». Donc voilà, il n'y a pas d'exclusion systématique où on pourrait dire morale de la jouissance. Bon, ensuite, ça pose en réalité d'autres questions parce que on verra peut-être un peu plus tard que la question de la jouissance est elle-même mise à la marge d'une certaine manière parce que dans la jouissance alimentaire, il y a effectivement un acte de consommation qui, d'une certaine manière, en même temps qu'il détruit l'aliment, détruit aussi, sape la jouissance, donc oblige à la réélaborer. Mais dans le passage en question, effectivement, le régime de ces paysans, le régime rustique des paysans, est d'abord et avant tout la marque du travail nécessaire au conditionnement de l'appétit de ces paysans, et en l'occurrence là c'est Rousseau en mouvement, qui va justifier de se mettre en mouvement pour manger. Voilà, il y a tout un travail, on va dire, d'auto-élaboration de l'appétit qui est absolument essentiel et qui ressort de ces textes. C'est sans doute la raison qui motive Rousseau à faire cet éloge qui pourrait apparaître assez schématique au premier regard, d'une vie bucolique. En réalité, la vie bucolique n'est jamais que le travail nécessaire à une dépense énergétique qui, précisément, va mettre en mouvement l'appétit et qui va autoriser à se nourrir et à prendre, au fond, la mesure du nécessaire pour pouvoir se nourrir en jouissant. Mais vous avez parlé de l'auto-élaboration de l'appétit. Ça veut dire qu'on peut éduquer l'appétit, c'est peut-être ce qui le distingue du besoin. Est-ce qu'on peut ici définir et distinguer le besoin de l'appétit et l'appétit du goût, au fond ? Oui, bien sûr. Alors, c'est évidemment une la catégorie des besoins qui est pour le moins très, très malléable et incertaine, hein, puisque poser une limite entre les besoins et ce qui serait au-delà des besoins comme marque d'un excès reste particulièrement problématique, au fond, pas seulement chez Rousseau, hein, ça l'est en règle générale, chez d'autres penseurs. En tout cas, ça suppose d'une certaine manière que les besoins humains sont, comme les besoins animaux, des marques d'une appartenance à un ordre biologique sur lequel la culture n'a qu'une prise relativement modérée. Il y a une nécessité il faut bien manger, et cette nécessité de manger renvoie au fond l'homme à une condition qui serait relativement proche ou identique à celle des autres vivants. Donc d'une certaine manière, on ne peut pas se défaire de la nécessité de répondre à ces besoins comme étant des besoins. Ça, c'est le premier point, ce qui fera dire à Homère dans l'Odyssée, implorant le gaster, le ventre, comme étant ce chien de ventre, dit-il, au sens où on ne peut pas s'en émanciper. Donc on pourrait évidemment penser que le travail d'élaboration, on va dire, de la culture se fait au-delà des besoins, ce qui est évidemment l'option qui est en règle générale retenue par une majorité de penseurs, si tant est que c'est des penseurs. Je sais qu'il a été question de Brillat-Savarin. Oui, mardi. Qui imagine effectivement. Vous lui contestez la place de penseur, c'est ça ? Non, peut-être. Peut-être. Libre, peut-être. Alors, il me semble qu'il serait davantage dans la catégorie d'un, j'ai envie de dire, d'un mondain, plutôt que d'un penseur. Alors pourquoi ? Alors c'est vrai que l'ouvrage de Brillat-Savarin, La physiologie du goût, est une sorte d'ouvrage qui pastiche en quelque sorte l'organisation et la systématicité d'un ouvrage de type scientifique ou philosophique, avec un découpage, des notions, des définitions. Mais il me semble par ailleurs que c'est un ouvrage dans sa facture conceptuelle très, très classique et assez ordinaire, qui souvent ne fait que reposer la vieille opposition, d'une certaine manière, entre l'homme et l'animal, à savoir l'homme mange au sens noble et l'animal se repaît de manière un peu vile. Donc c'est un peu de ça dont il est question. Donc d'une certaine manière, je suis pas certain que la la pensée de Brillat Savarin nous aide à penser ce dépassement. D'autant que la position de Rousseau, et c'est là son originalité, ne consiste pas à dépasser les besoins pour atteindre dans la culture la forme la plus élaborée ou la plus civilisée de la culture, mais au contraire, à prendre la mesure des besoins et d'une certaine manière à vivre de ces besoins. Hein. On trouvera encore un écho sous d'autres formes chez Emmanuel Lévinas de cette formule d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. Mais au fond, la difficulté avec les besoins, c'est que comment peut-on agir sur des besoins si ces besoins sont évidemment le résultat d'un déterminisme purement naturel. Et ça, chez Rousseau, ça passe par l'appétit, parce que l'appétit, c'est à la différence, des besoins, une variable, si on peut le désigner tel quel, sur lequel on peut jouer précisément, parce que l'appétit se cultive. Autrement dit, l'appétit entre dans un programme éducatif. S'éduque d'une certaine manière, il est éducable, l'appétit, puisque je peux, et on le voit comme dans l'Émile sur les enfants, je peux parfaitement jouer, ou en tout cas, ou mettre en place un certain nombre d'activités, voire de jeux avec les enfants, qui vont stimuler leur appétit. Alors, ces jeux-là vont à la fois stimuler leur appétit avec des gourmandises, mais ça va être le principal véhicule de l'appétit va être la dépense physique, en réalité. La dépense physique chez l'enfant est une source d'appétit. De même que chez l'adulte, la dépense physique passe par le travail. C'est-à-dire que le travail est une activité qui met en appétit. Et mettre en appétit, c'est recréer d'une certaine manière un lien entre soi et ses besoins. Et cette restauration d'une certaine manière de ce lien est une réponse aux maux de la culture qui sont à l'origine d'un oubli, on pourrait dire, en tout cas d'un oubli de la capacité que l'homme avait d'une certaine manière à l'état de nature à pouvoir estimer en permanence, sans médiation, sans l'opinion d'autrui, ce dont il avait besoin. Oui, mais alors là, on est en pleine ambivalence, encore une fois, parce que d'un côté, il y a l'idée de du besoin naturel qui nous renseigne sur nous-mêmes, de l'autre, il y a l'idée que l'appétit peut s'éduquer, et cette ambivalence, on la trouve dans le texte Émile ou de l'éducation que vous avez cité plusieurs fois, juste pour en dire un mot, hein, il paraît en 1762, oui. Et dans ce texte, Rousseau imagine qu'un enfant, qui s'appelle Émile, soit élevé loin de la société par un précepteur qui va mettre en œuvre un protocole éducatif qui ne ressemble pas à celui qu'on reçoit à l'école et qui ce protocole vise à faire en sorte que Émile soit éduqué le mieux possible, donc à tirer le meilleur parti de sa nature, tout en éduquant. Ça veut dire qu'il y a une place faite ici à la culture, à la civilisation, à l'intervention de l'homme sur l'homme, mais tout l'enjeu est de savoir comment on intervient tout en respectant cette nature humaine au fond. Oui, voilà. Alors, c'est l'autre originalité, j'ai envie de dire, il y en a encore bien d'autres, de la pensée ici de Rousseau, c'est que au lieu de se référer à ce qui serait un instinct qui renverrait à la nature, Rousseau pense d'entrée de jeu, notamment dans le second discours, le fait que l'homme est avant tout conduit, d'une certaine manière, par cette perfectibilité qui fait que, à la différence de l'animal qui peut, par son instinct, être en prise de manière immédiate et inconsciente avec un régime alimentaire, l'homme ne l'est pas, au fond. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'entrée de jeu et dès l'état de nature à faire ce travail d'élaboration du régime alimentaire. C'est-à-dire que aucun instinct ne déterminant le régime alimentaire, il va y avoir un processus quasi continu d'élaboration du régime alimentaire. Ce qui évidemment conduira Rousseau à se démarquer d'un certain nombre d'auteurs, notamment comme Buffon ou encore d'autres, ou Mandeville d'ailleurs, qui eux pose que l'homme, comme d'autres animaux, a effectivement un régime alimentaire déterminé qui l'amène à être carnassier ou pas, voilà, qu'importe. Mais vous voyez, il y a l'idée que l'homme aurait un régime alimentaire naturel. Or, chez Rousseau, il y a effectivement dans l'état de nature un certain type de régime alimentaire qui fait que L'homme consomme des glands ou parfois s'empare de la chair d'un autre être vivant. Mais en réalité, ce régime ne vaut que dans des circonstances déterminées. C'est-à-dire que dès qu'on sort de l'état de nature, il y a effectivement une nécessité, à partir de la perfectibilité, à réélaborer ce régime alimentaire. Et ce travail de réélaboration du régime alimentaire fait que, de toute façon, nos besoins, si on les appelle primaires, sont eux-mêmes conduits à se transformer, et qu'au regard de cette transformation, les goûts vont également se transformer, avec un risque dont Rousseau prend assez rapidement la mesure, c'est que toute évolution, il est vrai, du régime en tout cas de nos besoins et de nos goûts par voie de conséquence, tend vers, à l'intérieur de la culture et de la civilisation, vers un phénomène de raffinement du goût, en réalité. Et ce phénomène de raffinement du goût, qui s'indique au fond dans la grande table et la gastronomie, a pour conséquence évidemment fâcheuse de nous faire perdre la mesure de nos besoins. D'où la nécessité par l'artifice de faire ce travail de restauration de nos besoins. Alors restauration de nos besoins naturels n'est pas retour évidemment à la nature, mais retour à un état d'équilibre qui est celui qui correspond à la nature. C'est évidemment là ici la référence à la nature et la référence à ce qu'on pourrait appeler une normativité. Mais en réalité, il n'y a pas du tout de retour d'inspiration à un retour qui correspondrait au régime alimentaire qui est celui de l'homme à l'état de nature, loin de là, d'une certaine manière. Non, pas trop de poulet. Attends, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a avec le poulet? Il y a un problème? J'ai pas très faim. Maman t'a pas dit? Il est devenu végétarien. Il veut plus manger de viande, ça le dégoûte. C'est vrai? Oui. Il a vu un reportage sur l'Irak et après il a dit qu'il mangerait plus jamais de viande. Attends, il faut m'expliquer. C'est quoi le rapport entre mon poulet et l'Irak? Tant qu'on mangera des animaux, il y aura des guerres. Ah ouais, je suis pas sûr du raisonnement. C'est de la violence qui sert à rien. Gandhi était végétarien. Oui, bon, j'ai beaucoup de respect pour Gandhi, mais je suis pas convaincu qu'il était en bonne santé. C'est vrai qu'il était maigre. Tu sais, il faut manger de la viande. On en a besoin, surtout pour la croissance. Non. Quoi non? C'est des idées reçues. On a besoin de protéines, pas de manger des animaux. Bill Clinton aussi est végétarien. L'être humain est omnivore. Il a toujours mangé de la viande. Tu sais ce que ça veut dire, omnivore? Oui. Einstein aussi. Steve Jobs. Sarah. Mike Tyson. Tu peux arrêter, s'il te plaît, je parle à ton frère. Je veux plus manger de cadavre. Mais c'est pas un cadavre. C'est du poulet. C'est un cadavre de poulet. C'est comme si tu me forçais à manger de la chair humaine. Bon, ça suffit maintenant. T'arrêtes de dire n'importe quoi. Hitler aussi. Quoi Hitler? Il était végétarien. Ouais, effectivement, c'est une référence. Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme est l'indifférence que les enfants ont pour ce mets-là et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif et de ne point rendre les enfants carnassiers. Si ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractère, car, de quelque manière qu'on explique l'expérience, il est certain que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et féroces, plus que les autres hommes. Cette observation est de tous les lieux et de tous les temps. La barbarie anglaise est connue. Les gores, au contraire, sont les plus doux des hommes. Tous les sauvages sont cruels, et leurs mœurs ne les portent point à l'être. Cette cruauté vient de leurs aliments. Ils vont à la guerre comme à la chasse et traitent les hommes comme des ours. En Angleterre même, les bouchers ne sont pas reçus en témoignage, non plus que les chirurgiens. Les grands scélérats s'endurcissent au meurtre en buvant du sang. Homère fait des cyclopes, mangeurs de chair, des hommes affreux, et des lotophages, un peuple si aimable qu'aussitôt qu'on avait essayé de leur commerce, on oubliait jusqu'à son pays pour vivre avec eux. Olivier Assouli, l'éducation du goût, telle qu'elle est pensée par Rousseau, l'éducation de l'appétit, l'éducation idéale, disons, telle qu'elle est pensée par Rousseau, implique-t-elle de renoncer à manger de la viande? Alors, on pourrait le penser en suivant le passage qui vient d'être lu, qui semble être une critique relativement sans appel de la consommation de viande. Alors, en réalité, ce passage doit être évidemment remis dans le contexte du développement de la pensée de Rousseau à ce moment-là. En réalité, ce passage distingue d'une part le mangeur de viande du grand mangeur de viande. Donc on est au deuxième livre de l'Émile, hein, je précise. Voilà, on est dans la, on définit ce grand mangeur de viande, et il a été question notamment de dénoncer le fait que les bourgeois, pour les appeler comme Rousseau les appelle, administrent aux nourrissons et plus largement à leurs enfants des régimes alimentaires carnés. Voilà. Et souvent, Rousseau s'en prend au fait que les bourgeois donnent aux enfants des bouillons. En réalité, le bouillon est une sorte de quintessence de viande bouillie qui laisse échapper des sucs viandeux, voilà, pour reprendre un peu les terminologies de l'époque. Et Rousseau, effectivement, se rattache à une position, mais qu'on trouve chez d'autres à l'époque, encore dans l'encyclopédie ou chez des médecins comme Tissot ou bien Lory, une dénonciation des régimes alimentaires carnés. Alors, la dénonciation de ces régimes alimentaires carnés souvent se réfère à des arguments, un certain nombre d'arguments physiologiques, à savoir que si vous prenez Buffon, voilà, par exemple, l'homme n'est pas naturellement disposé à consommer de la viande, précisément parce que sa dentition n'est pas adapté à cet effet, de même que sa capacité à digérer des viandes crues, donc évidemment non cuites, n'est pas établie. Autrement dit, ces deux arguments, défaut de dentition adaptée et incapacité de digérer des viandes crues, font de l'homme naturellement un être dont le régime devrait être plutôt frugivore. Voilà. Ça c'est d'une certaine manière le tableau presque médical dans lequel Rousseau semble s'inscrire. En réalité, la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes. Parce que dans la dénonciation de ce qui pourrait sembler être la consommation de viande, déjà il y a une dénonciation en termes de dosage, c'est-à-dire que c'est l'excès, c'est le dosage, c'est le grand mangeur de viande. Et d'autre part, ce que réprimande d'une certaine manière Rousseau, c'est aussi évidemment la dimension, toute la dimension politique que va impliquer cette consommation de viande en réalité. C'est-à-dire que ce sont les riches qui mangent plus de viande, c'est ça ? Alors c'est pas des risques au sens sanitaire à proprement parler. Même si effectivement Rousseau là se rattache à l'idée qu'il y a une difficulté à digérer ses viandes, etc. Ce qui d'ailleurs va lui donner va être aussi l'occasion de jeter un soupçon assez large sur l'idée même d'une cuisine. Telle qu'elle est rapportée à la technique, à la cuisson, et de cela même que la cuisson existe, au fond, il y a toujours le risque d'une nécessité de cuire qui, au fond, est contradictoire avec la nature. On est dans une des ambiguïtés de cette pensée. Mais le grand mangeur, effectivement, le grand mangeur de viande, c'est dans le passage qui a été lu, c'est celui au fond qui mange de la viande, qui finit par aller faire la guerre comme il mange de la viande. Et ce passage est assez surprenant d'ailleurs quand on le lit souvent pour la première fois, parce que en réalité il semble dire que celui qui mange de la viande pourrait être un guerrier tel qu'il serait, au fond, coupable d'une certaine forme de cannibalisme. C'était l'argument employé par l'enfant dans l'extrait de film qu'on a entendu juste avant, hein, de Dominique Moll. Voilà, j'ai vu un reportage sur la guerre en Irak, donc je ne veux plus manger de viande. Exactement. Voilà. Et dans le texte de Rousseau, au fond, une certaine opprobre qui est jetée sur la viande, le risque que cette cruauté soit en réalité une résurgence de cannibalisme. Alors c'est d'ailleurs une chose qu'on retrouvera de manière très singulière dans le lait des animaux ou des êtres humains, parce que Rousseau expliquera que le lait des femmes est essentiellement déterminé par le régime alimentaire des femmes. ce qui le conduira, de manière pour le moins singulière, à poser que le lait est une matière végétale. Alors, le lait est une matière végétale, à condition que la femme qui, évidemment, engendre ce lait, ait elle-même un régime de type végétarien. Alors, il se trouve que, par des... En raison des contingences presque sociales ou politiques, le régime des nourrices qui vivaient plutôt dans des milieux ruraux ne leur donnait qu'un accès limité à la viande, donc elles consommaient par voie de conséquence plutôt des légumes et des fruits, ce qui leur permettait de produire ce lait de type végétal. Vous voyez, donc à ce moment-là, on voit que... Et je me suis demandé si, en réalité, cet argument-là, d'une femme qui produirait un lait de type végétal consécutivement à son régime, n'est pas déjà une réponse à un risque qu'entrevoit Rousseau dans ce passage comme dans le texte qui vient d'être lu, à savoir que si le lait est une matière d'origine animale, en l'occurrence le lait de la femme, donc de l'humain, est une matière humaine, il y a évidemment ce risque que l'enfant qui s'en nourrit, à ce moment-là, se livre, d'une certaine manière, à un acte de cannibalisme. Il faudrait une nourrice aussi saine de cœur que de corps. L'intempérie des passions peut, comme celle des humeurs, altérer son lait. De plus, s'en tenir uniquement au physique, c'est ne voir que la moitié de l'objet. Le lait peut être bon, et la nourrice, mauvaise. Un bon caractère est aussi essentiel qu'un bon tempérament. Si l'on prend une femme vicieuse... Je ne dis pas que son nourrisson contractera ses vices, mais je dis qu'il en pâtira. Ne lui doit-elle pas, avec son lait, des soins qui demandent du zèle, de la patience, de la douceur, de la propreté? Si elle est gourmande, intempérante, elle aura bientôt gâté son lait. Si elle est négligente ou emportée, que va devenir à sa merci un pauvre malheureux qui ne peut ni se défendre ni se plaindre? Jamais, en quoi que ce puisse être, les méchants ne sont bons à rien de bon. Ah, Maggie a un peu faim. Oh, ne vous gênez pas, nourrissez-la. Quand du roi ne refusera pas son goûter. Oh, vous n'avez pas à être gênée de voir une maman donner la tétée. L'allaitement est la chose la plus saine que nous fassions. Ça, c'est certain. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Sainte Aréole. Je vous en prie, joignez-vous au cercle de tété. J'aimerais beaucoup, mais Maggie est un peu timide. Oh, vous inquiétez pas. Prenez un tablier d'allaitement. Joue le jeu. Oh, ça ne pourrait pas être plus naturel. Glou, glou, glou. C'est un bon petit mammifère. Un biberon en plastique. De la bouillie. Et ça, c'est très mal. Bien, je dois l'avouer, nazie de la mamelle. Je donne de la bouillie à mon bébé. Ah, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas allaiter votre bébé, on va le faire. Et oui, alors qu'elle se trouve dans un cercle d'allaitement, Marge, le personnage des Simpsons, fait semblant d'allaiter sa fille Maggie, mais en fait, elle lui donne le biberon, elle donne de la bouillie à son bébé. Pour Rousseau, alors, vous avez entendu l'extrait que j'ai lu sur l'allaitement de la nourrice, le caractère de la nourrice va influencer celui du bébé. Ça veut dire que l'acte d'allaiter, déjà induit une certaine responsabilité, et sans doute qu'il est encouragé par Rousseau, Olivier Assouli, est-ce qu'il faut le lire ainsi? Alors, oui, il est... d'une certaine manière, dans une certaine mesure encouragé par Rousseau, mais à nouveau pour des raisons qui ne sont pas, même si elles sont invoquées, des raisons d'ordre médical ou sanitaire d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que d'un côté, effectivement, Rousseau semble en appeler à l'allaitement d'une manière assez conforme à ce qui semble être attendu, parce que l'allaitement est au fond plus naturel que les autres manières de nourrir le nourrisson. Mais d'une certaine manière, il abandonne assez vite cette option pour mettre en relief la nature de la relation qui va lier la femme qui allait au nourrisson. Alors évidemment, toute la question étant de savoir qui allait le nourrisson. Alors, on penserait évidemment spontanément à la mère. Or, dans les mille, Rousseau met l'accent sur la façon dont les bourgeois envisagent en réalité ce régime des nourrissons, où au lieu de laisser à la mère la charge d'allaiter l'enfant, elle la délègue à une nourrice. Mmh. Alors, cette délégation est problématique à plusieurs égards, en réalité. Parce que lorsqu'une nourrice allaite l'enfant d'une femme urbaine ou riche, d'une certaine manière, elle est bien dans l'obligation de délaisser, d'une part, ses propres enfants, qu'elle ne pourra pas allaiter d'une manière aussi juste qu'elle le fait pour cet enfant bourgeois qui lui est préféré. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'en réalité, le rapport de la nourrice à ce nourrisson reste un rapport dicté, évidemment, par l'intérêt ou la nécessité économique, avec un risque majeur que souligne Rousseau, c'est que l'enfant, effectivement, va développer un certain nombre d'affects et de sentiments à l'égard de la nourrice, qui n'est pas, évidemment, sa mère, mais que ce sentiment est un sentiment qui ne sera pas nécessairement partagé, et donc réciproque. Autrement dit, il y aura une forme d'amour, mais purement unilatéral. D'où la position de Rousseau, qui le conduit, au fond, à préférer qu'une mère donne du lait de vache à son enfant plutôt qu'à délaisser cet enfant. Hein, ce qui conduit Rousseau à dire que la sollicitude maternelle ne se supplée pas. Hein, alors, c'est évidemment une phrase déterminante, décisive, parce qu'il n'y a pas de possibilité de suppléer l'amour de la mère pour son enfant. Et il faut absolument qu'elle prenne en charge cet enfant, indépendamment, au fond, de la question de l'allaitement sous l'angle, on va dire, médical ou de la santé. Mmh. Mais c'est intéressant cette réflexion sur l'allaitement, parce que c'est difficile de ne pas penser, quand on la connaît, la lettre que Voltaire envoie à Rousseau, et pourtant c'est avant la publication de l'Émile, où Voltaire, pour se moquer de Rousseau et sa soi-disant défense de l'état de nature, écrit cette ligne, il dit « Monsieur Chapuis m'apprend que votre santé est bien mauvaise, il faudrait la venir établir dans l'air natal, jouir de la liberté, boire avec moi du lait de nos vaches et brouter nos herbes. » Et au fond, la caricature qu'ici fait Voltaire de Rousseau correspond quand même aux prises de position de Rousseau dans l'Émile. Alors, oui, ça correspond, mais de manière relativement apparente, parce que dans la question de l'allaitement, au fond, elle est quand même marginalisée par la question du soin qu'apporte la mère à son enfant. Mmh. Et d'une certaine manière, la phrase de Voltaire ne renvoie la question de la consommation du lait qu'aux qualités intrinsèques du lait, telles que ces qualités se transmettraient, au fond, de manière mécanique, du lait jusqu'à son consommateur. Or ça reste une position qui semble constituer l'arrière-plan de la pensée de Rousseau, mais dont il va assez rapidement se dégager, dans la mesure où, en réalité, si Rousseau faisait l'éloge, pour le dire ainsi, du lait ou d'autres aliments, quels que soient ces aliments, il serait dans une position qui le conduirait, un peu comme les médecins d'une certaine manière, à privilégier des aliments pour les qualités intrinsèques de ces aliments. Hein. Mais par là même, il épouserait, au fond, il reconnaîtrait aux médecins et à leur autorité, à leur savoir médical, une autorité qu'il leur conteste, puisque si les qualités des aliments ne provenaient que des aliments, à ce moment-là, elles entreraient en concurrence avec l'appétit. Or, l'appétit, c'est précisément ce qui va nous servir à évaluer ce dont nous avons besoin, et indépendamment de la parole tutélaire de la médecine et des médecins. Et c'est extrêmement important, puisqu'il y a toute une série de références. On le voit d'ailleurs, la façon dont Rousseau se réfère dans l'Émile et dans d'autres textes à des médecins. Alors j'ai cité Laurie, Tissot. Mais on pourrait citer il se réfère à des médecins pythagoriciens, par exemple Bianchi, Cauchy, etc., qui semblent vraiment être à l'unisson de la pensée de Rousseau. Et en réalité, Rousseau s'en dégage, précisément parce que la parole du médecin et l'autorité du médecin est toujours une parole qui se substitue, au fond, à la capacité de chaque individu à pouvoir travailler à l'élaboration de son régime à partir de l'appétit. Au fond, c'est toujours le médecin est toujours celui qui nous dépossède du travail d'élaboration de notre régime. Je rassemblerai une société, plus choisie que nombreuse, d'amis aimant le plaisir et s'y connaissant, de femmes qui puissent sortir de leur fauteuil et se prêter au jeu champêtre, prendre quelquefois, au lieu de la navette et des cartes, la ligne, les gluots, le râteau des faneuses et le panier des vendangeurs. Là, tous les airs de la ville seraient oubliés, et devenus villageois au village, nous nous trouverions livrés à des foules d'amusements divers qui ne nous donneraient chaque soir que l'embarras du choix pour le lendemain. L'exercice et la vie active nous feraient un nouvel estomac et de nouveaux goûts. Tous nos repas seraient des festins où l'abondance plairait plus que la délicatesse. La gaieté, les travaux rustiques, les folâtres jeux sont les premiers cuisiniers du monde et les ragoûts fins sont bien ridicules à des gens en haleine depuis le lever du soleil. Les bords de la fontaine serviraient de buffet et le dessert pendrait aux arbres. Les mets seraient servis sans ordre. L'appétit dispenserait des façons. Nous serions nos valets, peut-être pour être nos maîtres. Chacun serait servi par tous. Le temps passerait sans le compter. Le repas serait le repos et durerait autant que l'ardeur du jour. S'il passait près de nous quelques paysans retournant au travail, ses outils sur l'épaule, je lui réjouirais le cœur par quelques bons propos, par quelques coups de bon vin qui lui feraient porter plus gaiement sa misère. Et moi, j'aurais aussi le plaisir de me sentir émouvoir un peu les entrailles et de me dire en secret « Je suis encore homme ». France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors cette description du dîner idéal selon Rousseau, on la trouve au livre 4 d'Émile, hein, le livre Émile ou de l'éducation de Rousseau, Olivier Assouli, j'en ai lu un extrait, la description dure plus longtemps. On entend la dimension politique très forte, évidemment, et la dernière phrase m'amuse parce qu'on sent que derrière cette description idéale et l'attitude idéale qu'il aurait, à savoir proposer du vin aux paysans qui retournent du travail avec ses outils pour lui permettre de porter plus gaiment sa misère, eh bien, dit-il, j'aurais le plaisir de me sentir émouvoir un peu les entrailles et de me dire en secret, je suis encore homme. Au fond, il y a aussi du plaisir narcissique à faire le bien, c'est ce qu'il nous dit. Oui, il y a cette dimension au terme du passage que vous avez lu. Aussi, on voit au-delà du narcissisme le caractère restaurateur d'une certaine manière du processus. Vous voyez où on passe, comme on l'a indiqué un peu plus haut, d'un goût qui serait au fond celui des tables bourgeoises, qui sont d'ailleurs décrites dans un autre passage. Qui est celui de ce grand festin qui est donné chez un financier, dans lequel, à la différence du passage qu'on vient d'écouter, Émile se retrouve dans une tablée qui déborde de faste, d'apparat, de laquais, de valets, de services, de ses mille mains, toute cette profusion de richesses. Et puis dans ce passage, effectivement, l'appétit va être attisé, déterminé, donc conditionné par l'exercice, la vie active, la nécessité d'être en haleine, mais plus largement, la critique de la table n'est pas simplement une critique de la table huppée ou sophistiquée, bourgeoise, gastronomique, ou on peut l'appeler autrement encore, mais je crois que c'est une critique plus largement de la temporalité qui est rattachée à la table, au sens où la table correspond à des horaires de consommation, et ces horaires de consommation, d'ailleurs, quel que soit la catégorie sociale, oblige le mangeur, au fond, à s'attabler à des heures données qui sont évidemment définies par les us, les coutumes, par les diverses sociétés, avec une difficulté qui est que l'individu va devoir s'attabler, prendre des repas à des heures déterminées qui ne correspondent pas exactement à l'état de son appétit à ce moment donné. Voilà, ce qui amène Rousseau dans d'autres textes à s'insurger contre la nécessité d'attendre une heure de repas fixe alors même qu'il est de manière beaucoup plus prématurée en appétit. Vous voyez, donc il y a mieux vaut manger cette, quand on a faim, quoi. Il y a un travail au fond. La table, c'est l'espace de désynchronisation entre notre appétit et la consommation. Mmh. Et c'est, voilà, d'où une critique extrêmement forte de la table. Il y a pas, loin de là, d'éloge comme on pourrait en trouver par ailleurs et comme on l'entend encore largement de la table, vous voyez, de la nécessité de manger à des horaires déterminés, de répondre à des rituels. Ces jeux en pleine nature, de manière folâtre, etc., c'est évidemment une manière de déserter la table, de déserter l'espace social tel que cet espace, au fond, impose des rythmes à un appétit qui ne peut avoir pour seul rythme que la manière dont il s'auto-féconde, d'une certaine manière. Mmh. Hein, d'où la nécessité d'abandonner l'espace social de la table qui est un espace confiscatoire, d'une certaine manière, de notre appétit. Merci beaucoup, Olivier Assouli. Merci infiniment de nous avoir parlé de Rousseau et du goût ce matin. Je renvoie à votre livre « Philosophie du goût, manger, digérer, jouir » qui est un ouvrage volumineux dans lequel on trouve des réflexions passionnantes sur l'importance du goût dans l'histoire de la philosophie. Je crois que c'est le résultat de vos travaux de recherche, c'est ça, de votre HDR ? Oui, c'était le résultat de mon HDR, d'un certain nombre d'années de réflexion sur ces questions, en général marginales dans l'espace philosophique. C'est vrai, et le résultat est vraiment très réussi, donc je vous recommande, chers auditeurs, de lire ce livre. On mettra le reste de votre bibliographie, Olivier Assouli, en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et on se quitte avec un festin, le festin cette fois-ci de la chanteuse Juliette. La table sera mise quand vous arriverez, amis, amours, amants et autres associés. Vos noms seront gravés au dossier de vos chaises. Dans un silence inquiet, vous vous compterez 13. Cierges et candélabres jetteront leurs feux sombres dans la salle à manger tendue d'étoffes et d'ombre. Rien qui ne sera noir, noir d'ivoire ou d'asphalte, de liège, d'alizarine, de charbon, de basalte. L'invitation dira, minuit on vous attend, venez vêtus de noir comme aux enterrements. Si vous portez des fleurs, que ce soit des violettes, soyez mes invités au festin de Juliette. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour, la voici. Qu'est-ce qui reste du temps ? Alors l'humoriste Camille Chamou a récemment baptisé l'un de ses spectacles « Né sous Giscard ». C'était bien trouvé et c'est mon destin aussi. Est-ce de là que vient que la mort de Marielle de Sarnaise, l'éminence grise de François Bayrou, venue des jeunes giscardiens, m'a récemment ému. Bien plus en tout cas que celle de Giscard lui-même, sans doute car celui-ci n'était qu'un président, alors que les jeunes giscardiens étaient l'incarnation d'une espérance, et qu'une espérance, cela ne se périme jamais, même quand tous ceux qui l'ont portée sont morts. Et donc ce qui reste du temps, c'est l'espérance qu'il a portée ? C'est en tout cas paradoxalement dans cette espérance que survivent ceux qui ont cru à certaines de ces possibilités non écloses. Et Marielle de Sarnaise est caractéristique de cela, à la fois en tant que jeune giscardienne, dans un monde où le giscardisme, en tout cas jusqu'à l'élection de Macron, sera resté une utopie malheureuse, et en tant que femme de l'ombre, derrière Bayrou, un présidentiel sans cesse déçu. Marielle de Sarnaise est morte, mais elle vit presque comme l'héroïne d'une histoire alternative. Une espérance déçue, c'est aussi impossible qui se libère des désagréments de la réalité. Prenons le mandat d'après celui de Giscard, celui de Mitterrand. Qu'en reste-t-il après le virage de 1983, le fameux tournant de la rigueur, quand il a fallu embrancher l'espoir sur le monde réel ? D'une certaine façon, le second mandat de Giscard est plus beau que le second mandat de Mitterrand. Il est caractéristique, d'ailleurs, que les présidents récents de la France aient renoncé à leur second mandat ou qu'ils aient confié celui-ci à la seule histoire contrefactuelle, à l'histoire utopique. Vous voulez dire que le temps se déroule mieux en rêve que dans la réalité ? Bah, les accidents de mon parcours littéraire m'ont conduit, car c'était les années de mes 20 ans, à me faire, dans un livre ou deux, le chantre des années Sarkozy. Non pas que j'ai spécialement exalté ce mandat, plutôt que je m'en souvenais avec la maniaque précision d'un rêve. Le mot de Sarkozy restera un talisman qui me permettra, juste en le prononçant, de restaurer intacte une partie de ma jeunesse. Et quoi qu'ont pu être ces années, par exemple le laboratoire gramscien de quantité de monstres nés dans leur clair-obscur, elles demeureront, ces années Sarkozy, pour moi, de l'ordre de l'utopie. Comme 81, pour la génération de mes parents, demeure un rêve qui ne s'est pas refermé. Et qu'est-ce qui reste de ce temps-là ? Bah, la guillotine a remonté sa lame pour toujours. Aucun Alzheimer à venir ne pourra faire que ce temps n'ait pas, pour l'éternité, toute sa tête. Et il m'arrive de plus en plus souvent de me balader dans les ruines de cette époque révolue. Ce sont ce qu'on appelle les années longues, et il en reste, dans les quartiers périphériques, des villes, dans les villages épargnés par le nihilisme romérien, des petites Atlantides aux colonnes en béton préfabriquées qu'on appelle indifféremment médiathèques ou agora. C'est aussi l'époque, elles ont été depuis longtemps déracinées, où poussent dans les intérieurs ces lampes halogènes qui éclairaient si bien les plafonds blancs de ma jeunesse. Plus archaïques encore, on trouve, à côté d'elles, des colonnes à CD, des sortes de totems remplis, en ces années cosmopolites et merveilleuses, d'albums de world music. Et donc je vous retournerai à votre question initiale. Finalement, est-ce que le temps, c'est pas ce qui ne reste pas ? On voudrait, oui, se souvenir d'un rythme oublié, d'une réforme progressiste, mais il est beaucoup trop tard. Ces colonnes s'enfoncent dans les moquettes beiges. Des années Mitterrand comme des années Giscard, il ne reste déjà presque plus rien. Et déjà nos enfants nous demandent, mais la mémoire nous fait soudain défaut, pourquoi nous avons voté pour Macron en 17. Merci beaucoup Aurélien Bellange. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier, en compagnie de Baptiste Botella, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui réalise pour vous cette série d'émissions cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Florent Bujon. À la lecture des textes, Denis Podalydès. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe, qui chaque vendredi donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de Paul Clavier. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions sur la nourriture en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez consulter le site qui est fourni, alimenté tous les jours par Anaïs Isbert. Vous y trouverez les références bibliographiques, musicales, des extraits de textes, des citations des invités. Un site extrêmement bien fourni, je vous invite à aller le regarder. Et puis vous pouvez aussi télécharger, podcaster cette émission à travers l'application Radio France, qui vous permet d'écouter l'émission non seulement en direct, mais aussi en téléchargement, c'est-à-dire à l'heure de votre choix, où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h, donc nous en tout cas, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.